Rudolf et le renne au nez rouge. Il était une fois, quelque part au pôle Nord, vivait Saint-Nicolas, aussi connu sous le nom de Père Noël. Il vit toujours avec Madame Noël, les elfes et les rennes. Étant le Père Noël, il était occupé à préparer des cadeaux avec l'aide de ses elfes. Mais cette fois, Noël allait être différent. Le Père Noël était sur le point de recevoir lui-même un cadeau très spécial. Par une nuit froide, un adorable petit renne était né. Il s'appelait Rudolf. Mais ce petit gars n'était pas comme les autres rennes. Il est né avec un nez rougeoyant. Mais Rudolf ne savait pas pourquoi il était spécial. As-tu vu Rudolf? À quel point son nez est étrange? Si vif et rouge, c'est comme un clown. Et il est tellement gros. Aucun renne n'a un si gros nez rond et brillant. Regardez comme c'est drôle. Tous les rennes se moquaient du nez de Rudolf, ne réalisant pas que cela faisait mal à Rudolf. Rudolf était toujours triste d'être différent et de se sentir laissé pour compte. Pourquoi devrais-je avoir un nez aussi brillant et rouge? Tout le monde se moque de moi. Personne ne joue avec moi. Je suis bon pour rien. Mais Rudolf allait apprendre très bientôt que cela aussi était un cadeau. Cette nuit était en fait la veille de Noël. Le Père Noël rassemblait ses rennes pour faire le tour du monde. Les elfes travaillaient dur. Certains déblayaient la neige, d'autres emballaient le sac du Père Noël avec des cadeaux et vérifiaient la liste des enfants coquins et gentils. Ho, ho, ho! D'accord, tout le monde. Il ne nous reste plus beaucoup de temps avant de partir. Oui, oui, ils se préparent tous. Et toi alors? Où est ton costume? As-tu peigné ta barbe et tes cheveux? Oui, je me préparais à faire exactement ça. Ne t'inquiète pas, cela ne prendra pas de temps. Mon cher mari, il ne te reste que quelques minutes. De plus, chaque année, nous devons élargir ton costume encore et encore. C'est alors que Peppermint Sticks, le plus sage des elfes du Père Noël, se précipita vers lui, très inquiet et anxieux. Père Noël, Madame Noël, j'ai de mauvaises nouvelles. Il semble qu'il y ait un épais brouillard dans le monde entier. Si épais que même nos propres yeux de reine pourraient avoir du mal à voir à travers. Oh mon Dieu, ce n'est pas bon. Je dois livrer tous ces cadeaux ce soir. Tous les enfants du monde les attendent. Que pouvons-nous faire? Aïe! Nous devons penser à quelque chose. Nous ne pouvons pas rester assis ici. Quelqu'un pourrait-il aider, s'il vous plaît? Peut-on installer des lumières à l'avant? Non, les lumières vont tomber. Peut-être pourrions-nous placer les jeunes rennes devant. Leurs yeux pourraient peut-être voir à travers le brouillard, vous croyez pas? Négatif. Aussi jeune soit-il, ce brouillard sera beaucoup trop épais pour qu'un d'entre eux voie à travers. Eh bien alors, vous proposez un plan. À quoi pouvez-vous penser? Je pense que j'ai peut-être trouvé la solution. Hé, mon pote, Rudolf, quel plan as-tu pour ce soir? J'espère que tu es libre. Rien de spécial, Père Noël. Comment connaissez-vous mon nom? Je connais tous les noms de mes reines. Il y a Dasher et Danseur et Prancer et Vixen, Comet, Cupid, Dunder et Blixen. Rudolf ne pouvait pas croire que le Père Noël connaissait tous les noms de ses reines. Encore une fois, tout va bien. Il y a Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, Comet, Cupido, Dunder et Blixen. Que fais-tu, enfin? Il n'y a pas de temps pour cela. Tu as trouvé une idée? Détends-toi, mon épouse. Rudolf nous aidera ce soir. Champion, tu me guideras ce soir, n'est-ce pas? Rudolf était surpris par l'offre du Père Noël. Il ne s'y attendait pas. Il regarda les autres reines choquées. Madame Noël et Pepper étaient choquées également, mais le Père Noël était sûr de son plan. « Je ne pense pas pouvoir le faire. Je n'ai aucune expérience. »« Baliverne, tu es parfait. Nous avons besoin de toi ce soir. Allez, Rudolf, montre le chemin. Prépare-le, Pepper. » Pepper et Madame Noël habillèrent Rudolf comme les autres elfes et le préparèrent. « Es-tu sûre de ça ?»« Oui, ma chère. J'ai un pressentiment que lui et son nez rouge vif me guideront pour toujours. Tout le monde est prêt à partir ? Yaha ! Attends, juste une minute. La sécurité d'abord. Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, Comet, Cupid, Donner et Blixen. Et Rudolf ! Au sommet du porche ! Au sommet du mur ! Maintenant, éloignez-vous ! Le traîneau du Père Noël se déplaçait lentement, puis décollait dans le ciel nocturne. Rudolf était nerveux. Il n'était pas sûr de ce qu'il allait faire. Les autres reines le fixaient. Elles avaient tous compris à quel point Rudolf était spécial et se rendaient coupables de s'être moquées de lui. À mesure que la nuit s'assombrissait, le brouillard s'épaississait. Rudolf et les autres avaient du mal à voir. Rudolf se tourna vers le Père Noël qui lui souriait. « Maintenant, mon garçon, maintenant !» Alors que le brouillard était au plus épais, Rudolf ferma les yeux et son nez s'illumina d'un rouge vif, plus brillant que jamais. Cela éclaira la voie à suivre pour le Père Noël et les autres reines. Tous acclamèrent Rudolf avec une grande joie. Avec l'aide du nez rouge vif de Rudolf et de ses autres reines, bien entendu, le Père Noël a pu offrir chaque cadeau à chaque enfant le soir de Noël. Je te l'avais dit, n'est-ce pas? Tu es spécial, mon petit. Tu sauras toujours guider mon traîneau, mon petit, avec ton nez brillant, brillant. Tu es mon cadeau de Noël. En fin de compte, Rudolf allait être désormais à la tête du traîneau du Père Noël. Pendant la nuit, dans le brouillard, dans la neige, Rudolf allait être juste devant les autres pour les guider. N'est-ce pas étonnant? Rudolf s'inquiétait de son nez et de sa particularité. En fin de compte, c'est ce qui le rendait unique. Alors la prochaine fois, si vous regardez le ciel et que vous voyez le traîneau du Père Noël voler dans la nuit, voyez si vous pouvez trouver le nez brillant de Rudolf. Parce qu'il va sûrement entrer dans l'histoire.